Le défilé militaire et la manifestation des citadins de Pyongyang, consacrés au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, ont eu lieu solennellement le 15 avril sur la place Kim Il-sung. Le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, s'est présenté sur la tribune officielle accompagné des cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée comme Kim Yong-nam, Fang Byung-sung et Park Bong-ju, des présidents des comités provinciaux du parti et des hauts commandants de l'armée populaire de Corée. Sur la place réservée aux invités se trouvaient les délégués pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, les permanents des organisations des travailleurs, les fonctionnaires des ministères et des établissements centraux, les hommes de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les méritants, les groupes de félicitations et délégations des compatriotes de la diaspora, les compatriotes d'outre-mer, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales en Corée et leurs femmes, les attachés militaires et leurs femmes, les diplomates et les autres étrangers. La garde d'honneur et la fanfare combinée de l'armée populaire de Corée ont fait une cérémonie inaugurale. Au son de l'hymne national et du chant que le drapeau de notre parti flotte vivement, le drapeau national de la République populaire démocratique de Corée et le drapeau du Parti du Travail de Corée ont été hissés. Le ministre des Forces armées populaires de la République a informé le dirigeant suprême Kim Jong-un du commencement du défilé militaire consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Le chant du général Kim Il-sung et le chant du général Kim Jong-il ont été exécutés avec une salve de 21 coups de canon. Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, a prononcé un discours de félicitations. Il a dit notamment « Mandaté par le respecté dirigeant suprême, je remercie tous les militants du parti et les militaires et civils pour avoir réalisé brillamment, impeccablement et sans aucune concession le serment prêté aux grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il avec la conviction immuable de la victoire de la cause révolutionnaire du Tse. Tous les militants du parti, les militaires, jeunes et travailleurs, sont appelés à attiser plus vivement la flamme de la création de la vitesse de Malima, afin de mettre sur pied en face du monde le meilleur paradis du peuple envié par le monde, puissant socialiste développé sur tous les plans. Les États-Unis s'appliquent aux menées provocatrices de guerre nucléaire frénétique contre notre République, tout en créant une crise de guerre imminente. Si les États-Unis osent provoquer une guerre, les forces armées révolutionnaires coréennes leur infligeront immédiatement des coups mortels et elles répondront à la guerre totale par la guerre totale et à la guerre nucléaire par les frappes nucléaires à la Corée. Son rapport fini, les drapeaux à l'effigie des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il sont entrés dans la place sous l'escorte des généraux et officiers de l'armée populaire de Corée. La garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes et de la garde rouge des ouvriers et des paysans et toutes les troupes ont présenté leur hommage sublime envers les drapeaux à l'effigie. Au départ du défilé, on passait la colonne du temps de la lutte armée anti-japonaise, celle du temps de l'édification des forces armées régulières et celle du temps de la guerre de libération de la patrie, suivie des colonnes des troupes Guni telles que la division d'infanterie numéro 3 Guni-Séoul, la division d'infanterie numéro 4 Guni-Séoul-Kimtse, la division d'infanterie numéro 2 Guni-Kangon, la division de char numéro 105 Guni-Séoul-Lugyongsu, la flottille navale numéro 2 Guni, le régiment de chasseurs numéro 56 Guni-Héros Kim Ji-sang. On défilait encore les colonnes des forces navales, aériennes et anti-aériennes, des forces stratégiques et des forces d'opération spéciales de l'armée populaire de Corée, celles des grandes unités combinées comme les corps d'armée numéro 1, 2, 4, 5, celles des divisions d'infanterie du premier échelon des corps d'armée du front comme la division numéro 46, les colonnes des écoles militaires de tout échelon comme l'Académie militaire interarmes Kim Il-sung, l'école supérieure politique Kim Il-sung, l'académie militaire Kim Jong-il, l'école de la marine Kim Jong-suk, l'école de l'aviation Kim Tae, l'école militaire complexe Kangun, l'école complexe d'artillerie Ozinu, les colonnes de l'école révolutionnaire de Mangyongdae, de l'école révolutionnaire Kambansuk et de l'école révolutionnaire de Nampo, les colonnes des gardes rouges des ouvriers et des paysans de la ville de Pyongyang et de toutes les provinces, les colonnes de la garde rouge de la jeunesse et les colonnes des grandes écoles, dont l'université Kim Il-sung, l'université de technologie Kim Tae, etc. Kim Jong-un a répondu de sa main aux colonnes qui passaient devant la tribune en criant les vivas. Les avions de combat en formation de chiffre 105 ont survolé la place. Les colonnes des chars et véhicules blindés, des artilleurs, des fusées des armées et des fusées des forces stratégiques ont défilé ensuite. Pour finir, la fanfare militaire a marché lorsque les appareils de combat survolaient la place en laissant la traînée de condensation d'arc-en-ciel en forme d'éventail. Par la suite, a eu lieu le défilé des stadions de Pyongyang. Le défilé fini, le dirigeant suprême Kim Jong-un a fait le tour du balcon de la tribune officielle pour adresser sa réponse aux masses qui acclamaient chaleureusement.